Go back to bed, America. Your government is in control. Alors, un paradis fiscal, c'est quoi? Le capitalisme est en train de développer d'effrayantes contradictions. On a vraiment un pouvoir mondial qui est entre les mains d'une poignée de riches. Si on n'y prend pas garde, ces contradictions vont atteindre un jour un point de rupture. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Que l'économie doit être au service du reste des liens humains. C'est une rengaine que de parler de la toute-puissance de l'argent. Il est facile d'appeler rengaine la constatation obstinée d'une évidence. Bonjour à tous, ici David Lemelin, bienvenue à Econophile. Il paraît qu'on défend le dossier de l'asphalte et des rues en disant « Ah, le client a toujours raison ». Ah, oui, oui. Il faut ajouter des voies, il faut construire des routes, taper de l'asphalte parce que c'est ça que le monde y vole. Ah oui, ben oui, le client a toujours raison. Ben, ce qui est le fun, c'est que l'humanité dispose de quelque chose de précieux qui s'appelle la science, qui, elle, idéalement, ne subit pas d'influence de groupes d'intérêt, de commerçants. La science prend un problème, analyse et donne une réponse. Il y a une douzaine d'experts qui sont venus dire que d'ajouter des voies, de faire un troisième lien, ça réglera rien. C'est net, clair, précis, ça ne marche pas. Point. Il n'existe pas une seule étude sérieuse dans le monde qui dit qu'ajouter des voies, de faire un autre lien, bref, d'ajouter de l'offre, hein, pour parler de termes économiques, d'ajouter de l'offre aux voitures, ben, ça règle les problèmes. Hein, ça n'existe pas. Au contraire, on augmente l'offre, ben, la demande suit, là. Les voies se remplissent à nouveau. Et ben, comme on a ajouté des voies, ben, on a une situation encore pire qu'avant. Ça, c'est la logique. Mais c'est pas la logique qui guide les commentateurs. Non, non, non. Ça, c'est l'argent. Parce que si le client a toujours raison, c'est sûr que quelqu'un de pogné dans le trafic va dire avec raison, ben, on peut le comprendre, que on peut-tu me laisser rouler tranquille? Mais il s'est pas forcément assis dans son char qu'on a essayé ça plusieurs fois puis que ça marche pas. Comment voulez-vous qu'il sache ça? Mais il y a des experts qui ont étudié la chose et qui le confirment, ça marche pas. Ouais, mais le client a toujours raison. Ouais, mais encore faut-il poser la bonne question. C'est qui le client en question? Ça se trouve que c'est pas le citoyen, c'est le client de la radio. Celui qui lui permet de faire 2, 3, 400 000 $ par année. Celui qui permet à son patron d'avoir un condo tripant ou de plus au Mont-Saint-Anne ou même en Espagne, pourquoi pas. C'est lui le client. On comprend alors du coup qu'ici aussi, ben, on vit les fantastiques effets du capitalisme sauvage, hein, un capitalisme qui préfère enrichir les mêmes, toujours plus, quitte à laisser le monde pogné dans des bouchons encore pires, on s'en sac tu, quitte à augmenter la pollution, ben, on s'en sac aussi parce que le réchauffement ça n'existe pas, même si 97% des scientifiques le confirment, quitte à faire en sorte que plus de monde meurt en raison de la pollution, justement à cause de leur maladie respiratoire, mais ça, on s'en sac. Hein. Ce qui compte, ben... c'est ma Porsche. Bienvenue à Econophile. Vous voulez nous retrouver sur les internets, les réseaux sociaux, sur le blog, allez, on est là, allez aimer la page sur Facebook pour nous suivre, facebook.com/econophile891. Et puis, pour trouver le blog, deux façons, le bouton « En savoir davantage » sous le bandeau de notre page Facebook ou encore, ben, vous allez sur econophile.net et vous y arrivez directement. Econophile.net pour lire des textes inspirés des livres que nous vous présentons, incluant une référence du livre en question. Pour vous permettre de lire, hein, en attendant qu'on change les mags sous votre Porsche. Et puis, vous y trouvez aussi la balado qui donne accès aux trois dernières émissions, ainsi qu'à la totalité des émissions qui sont disponibles dans la section « Émissions ». Jean-Claude, bonjour, ça va bien? Bonjour David, très bien. Bon, écoute, il fait beau, on vient en vélo, on laisse faire la voiture. Exactement, on donne l'exemple. C'est très bien, très bien. Jean-Claude, cette semaine, un ouvrage très intéressant, écrit par un auteur qui dit ce qu'il a à dire, je pense, et qui déboulonne aussi des mythes plutôt tenaces. Hein? C'est d'ailleurs le sous-titre de son livre. Oui, le titre, c'est « Gagner la guerre du climat ». Le sous-titre, effectivement, « 12 mythes déboulonnés ». Monsieur Normand Mousseau, professeur de physique à l'Université de Montréal. Et moi, j'ai appris à le connaître, je suis pas seul, on a appris à le connaître à la place publique à titre de coprésident de la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec à l'époque de l'éphémère gouvernement de Mme Marois. Oui. Donc, il présidait une commission qui était assez audacieuse pour remettre en question certaines choses, puis... ça transparaît un peu dans son livre d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à dire qu'il faut être plus sérieux, il faut vraiment se préoccuper de trouver des solutions de rechange à la consommation de produits pétroliers. J'ajouterais peut-être là, que c'est un auteur de plusieurs livres. C'est un habitué des communications, notamment de la communication écrite. Il a écrit d'autres livres sur l'énergie et les ressources naturelles. Il en a même écrit un sur comment combattre ou vaincre le diabète. Donc, oui. C'est un combattant voilà. sur plusieurs fronts. Et c'est un excellent vulgarisateur scientifique. Il a sa propre émission de radio à Montréal. Bref, c'est un homme très intéressant à écouter, vous l'entendrez, très clair dans ses propos. Et avec lui, ben, on réalise que finalement, on n'est pas vraiment meilleur que tout le monde. Hein? En tout cas, peut-être moins, on n'est pas si vert que ça au Québec. En tout cas, ben, pas tant que ça. Hein? Effectivement, je vais commencer à vous faire un peu la lecture de ce qu'on trouve dans son livre. Dans l'avant-propos, d'ailleurs, l'auteur dit ceci. Dans la guerre du climat, il est difficile de résister à l'appel de la technique et de la nouveauté. En effet, les champions de la lutte au changement climatique proviennent en bonne partie du domaine scientifique. Pour eux, le travail se termine dès qu'ils ont trouvé les solutions mécaniques permettant de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. La mise en application de ces solutions par les élus ou par le secteur privé leur semble aller de soi, et ils nous voient déjà atteindre sans trop d'efforts les cibles ambitieuses que nous nous sommes fixées pour les émissions de GES. Ce travers ne se retrouve pas seulement chez les scientifiques. De très nombreux penseurs et décideurs de la sphère politique se sont également laissés prendre au jeu de la technologie, au détriment de la réflexion sur les structures de décision. Jusqu'à récemment, j'empruntais aussi largement cette voie. Plus maintenant. Ma conversion s'est faite lors de mon passage à la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec. Il nous est apparu rapidement que cette politique devait absolument s'inscrire dans le cadre des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Plus encore, en saisissant l'ampleur des changements à apporter dans notre rapport à l'énergie, nous avons conclu que le Québec devait revoir en profondeur sa gouvernance sur cette question afin de s'assurer que l'ensemble des décisions touchant l'énergie de près ou de loin seraient analysées à l'intérieur d'un cadre unique qui favoriserait la cohérence et l'efficacité. Cet aspect de notre rapport a été largement ignoré par les médias et le monde politique qui ont porté l'essentiel de leur attention sur les recommandations liées à la production d'électricité. Pourtant, comme nous l'avions répété à plusieurs reprises, le principal défi que nous devons relever n'est pas l'approvisionnement en énergie, mais l'utilisation de cette dernière. La publication en avril 2016 de la politique énergétique 2016-2030 du gouvernement libéral est venue confirmer l'incapacité du monde politique à saisir cet enjeu central. Pourtant, il influence directement les objectifs de lutte au changement climatique. Si le gouvernement annonce qu'il ressuscitera l'Agence de l'efficacité énergétique sous l'horrible nom de Transition énergétique Québec, il se garde de lui donner les pouvoirs nécessaires pour intervenir directement dans l'ensemble des dossiers touchant l'énergie et les émissions de GES. Malgré un besoin clair de cohérence, le gouvernement Couillard maintient une gestion à la pièce des dossiers touchant l'énergie et les changements climatiques, une décision qui, comme on le verra, nous coûtera très cher. Ce refus de mettre en place les structures qui assureront des décisions constructives allant dans une même direction s'explique en partie par une croyance en des mythes répétés par des analystes, des politiciens, des groupes d'intérêt, des industries et des médias. Ces mythes nous donnent l'impression que nous maîtrisons la transition énergétique et nous convainquent que nous pouvons continuer sans risque à employer nos façons de faire habituelles en protégeant ce qu'on appelle encore le modèle québécois. La situation n'est pas meilleure dans le reste du Canada où les mythes foisonnent également. L'ensemble des gouvernements provinciaux oscille entre objectifs ambitieux et inaccessibles, programmes de réduction coûteux et inefficaces ou, carrément, déni du problème. Quant au gouvernement fédéral, après 3 décennies d'inaction, dont la dernière passée à détruire un maximum de compétences en matière de changement climatique, il témoigne enfin d'une réelle volonté de faire la réduction des émissions de GES un enjeu politique central. Le gouvernement Trudeau cherche toujours la manière dont il s'y prendra pour transformer ses promesses ambitieuses en actions. Il découvre qu'il ne suffit pas de faire de belles phrases pour changer le monde. Or, il faudra bien un jour une politique nationale sur la question. Les exemples à l'étranger montrent que les Canadiens bénéficieraient grandement d'une vision globale sur le sujet, plutôt que des actions en silos parfois opposées les unes aux autres, comme celles que mènent les provinces depuis 10 ans. Alors que la lutte au changement climatique s'enlise dans les discours creux et les programmes bancals, il m'apparaît urgent de s'attaquer aux mythes colportés par divers acteurs de la société qui nous empêchent de comprendre les faits et d'agir de manière efficace. Ces mythes, qui ne sont pas nécessairement partagés par tous, offrent un point de départ pour poursuivre la réflexion sur la nature profonde des changements qu'il faudra faire pour réussir la transition vers une société faible en carbone, tout en répondant aux aspirations beaucoup plus larges qui nous définissent. Alors voilà, le ton est donné véritablement. Alors, je vous présente la première partie de l'entrevue que m'a accordé Normand Mousseau plutôt cette semaine. D'entrée de jeu, d'ailleurs, vous l'entendrez, il n'y va pas par quatre chemins. Hein, il le dit clairement, là, le Québec dort sur ses lauriers. Et il est pas si vert que ça. On travaille dans le noir, en gros. On s'appuie sur pas d'études, peu de données. Et les décisions qu'on prend, on les prend donc en gros en levant le doigt dans le vent puis en regardant comment ça s'enligne, mais sans du tout évaluer qu'est-ce qui est la meilleure chose à faire. Parce qu'on a quand même une étiquette verte, et ça fait partie des mythes que vous déboulonnez, c'est-à-dire que le Québec, on a quand même tendance à penser qu'on est vraiment à peu près les meilleurs au monde. C'est pas ça que vous nous dites, là. Non, disons qu'on est tombé dedans quand on était petit. Alors, on bénéficie du fait que notre électricité est presque à 100% renouvelable. Ouais. Malheureusement, on n'a pas su utiliser cette ressource-là pour en faire un levier de développement économique qu'aujourd'hui. On l'a fait dans le passé, mais on le fait plus aujourd'hui. On n'est pas capable de trouver la solution. Et malgré tout, on continue à agir comme on agissait il y a 40 ans, bien que tout le restant de la planète ait bougé depuis ça. Donc, le Québec n'est plus à l'avant-garde et on se fuit trop à nos acquis. Finalement, on dort un peu sur nos lauriers, pour dire l'expression connue, là. Complètement. On est à l'avant-garde dans un sens. C'est-à-dire que notre production d'énergie est beaucoup plus verte que partout ailleurs dans le monde. L'électricité est renouvelable, ce qui a très peu d'autres pays l'ont dans le monde. On utilise l'électricité de manière beaucoup plus large qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'on l'utilise pour le chauffage, alors que partout ailleurs ou presque, on se tourne vers le gaz naturel, le mazout, le charbon. Et on dispose de biomasse beaucoup, entre autres pour l'industrie, qui fait qu'on est presque à 50% de renouvelables. Ça, c'est la partie positive. La partie négative, c'est qu'on fait pas de progrès depuis près de 30 ans. Depuis la fin des années 80, on a arrêté d'utiliser cet outil-là que représente l'électricité pour nous projeter, pour nous positionner d'un point de vue économique, social dans le monde. Une des choses qu'on répète souvent, c'est que la transition énergétique ou la réduction des émissions de gaz à effet de serre va nous amener vers une société meilleure. C'est pas le cas. Tout ce qu'on peut être sûr, si la seule chose qu'on exige de l'argent qu'on dépense, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est qu'on aura une société à plus faible émission de gaz à effet de serre. C'est tout. Même chose si je demande, je veux construire un pont et dans mon devis, je demande qu'un pont qui soit solide, il n'y a rien qui va faire que le pont va être plus beau ou va répondre mieux à mes besoins. Tout ce que j'aurai à la fin, si mon devis est respecté, c'est un meilleur pont. Donc, on doit exiger que l'argent qu'on met pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre sert également à nos autres objectifs sociaux, nous enrichisse, nous donne une meilleure qualité de vie, nous donne un meilleur environnement. Et je vais donner un exemple. En novembre dernier, en fait, le gouvernement du Québec a annoncé qu'il avait donné 3,2 millions de dollars au port de Montréal pour l'achat de 2 grues électriques. Plutôt que des grues diesel, c'est des grues électriques. Donc, dans ce sens-là, ce 3,2 millions sert à réduire les émissions de gaz à effet de serre, qui est le but du fonds vert. Donc, cet argent-là, 3,2 millions, venait du fonds vert. Or, quand on regarde, on s'aperçoit qu'en termes de réduction, on va avoir 1 000 la tonne de réduction de CO2 que ça va coûter. 1 000 la tonne, c'est 60 fois le prix de la tonne de carbone aujourd'hui. Donc, on le fait à un coût très coûteux. Si on faisait toutes nos réductions à ce prix-là, ça nous coûterait, pour atteindre nos objectifs de 2020, 200 milliards de dollars par année. Donc, c'est certainement pas une solution. Deux fois le budget annuel du Québec. Okay? Et en plus, les grues qu'on a achetées à 1000 $ la tonne de CO2 évité sont faites en Allemagne. Il n'y a aucune retombée économique, aucun autre avantage pour le Québec. On n'a pas les moyens. Oui, allez-y. Ben, j'allais dire, c'est la même chose pour les voitures électriques. Vous le dites, ça, d'ailleurs. C'est la même chose pour les voitures électriques. Mais on les fabrique même pas. On les fabrique pas et elles nous coûtent 150 $ la tonne de CO2 évité. Donc, c'est 75 millions de dollars environ qu'on a sorti de l'économie du Québec pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Dans ce cas-là, à 10 fois le coût de la tonne de CO2 sur le marché du carbone qu'on a avec la Californie et sans aucune retombée économique pour le Québec. Donc, en gros, on prend 75 millions de dollars qu'on a envoyé depuis quelques années. On l'a envoyé à Détroit pour qu'il fasse la recherche, qu'il fasse des autos, à Tokyo, en Californie. Mais il n'y a rien qui sert au Québec. C'est sûr qu'il se fait du développement au Québec. Hein? Je ne dis pas qu'il n'y a rien qui se fait au Québec. Mais sauf qu'on n'agit pas dans les cas de façon à ce que le Québec se positionne vraiment d'un point de vue stratégique et bénéficie de son avantage. Alors Jean-Claude, des choses bien intéressantes dans cette première partie de témoignage d'entrevue de Monsieur Mousseau. Oui, c'est très intéressant effectivement. Puis je ne sais pas si on peut décoder un peu la. Je ne sais pas si on pourrait dire d'amertume de M. Mousseau, mais on sait je pense que oui. On sait que c'est quelqu'un quand même qui connaît très bien le dossier. On l'a rappelé tantôt qu'il avait présidé une commission énergétique et qui était très préoccupé par les questions des gaz à effet de serre, entre autres sujets. Puis on a l'impression qu'il se dégage un peu, c'est lui, un certain désabusement, une certaine impatience aussi pour dire on sait ce qu'il faut faire. Ça fait très longtemps qu'on sait ce qu'il faut faire, mais on hésite, les gouvernements hésitent à mettre en place des stratégies là, qui nous permettraient d'atteindre les objectifs visés, puis qui en plus, moi, ça me frappait un peu dans son discours, c'est qu'il parle un petit peu comme un économiste, finalement. Vraiment. Il reproche un peu, puis il a tout à fait raison de dire le Canada et le Québec sont des puissances, en principe, sont des puissances énergétiques. Ils auraient dû beaucoup mieux utiliser cette capacité-là pour développer des nouvelles technologies, puis également susciter des retombées industrielles, des retombées économiques beaucoup plus diversifiées et intéressantes que qu'est-ce qui se passe en Alberta ou même ce qui se passe au Québec. Il l'a pas mentionné dans l'entrevue, mais dans le livre, ça se dégage. Il dit tout ce qu'on a réussi à faire au Québec, finalement, ou à peu près, c'est attirer des alumineries. Alors, pour attirer des alumineries, il faut lui vendre d'immenses stocks d'hydroélectricité à rabais, avec bien sûr certaines retombées au Saguenay-Lac-Saint-Jean ou en Mauricie ou à quelques autres endroits. Mais finalement, c'est pas beaucoup pour ce qu'on aurait pu faire avec l'hydroélectricité pour l'ensemble du Québec. Et aussi la partie de son discours intéressante où on parle de perte d'expertise à partir du moment où on dépense beaucoup d'argent pour acquérir de la technologie qu'on prend même pas la peine de développer. C'est presque c'est pas de la perte sèche, mais pas loin. Ben, c'est-à-dire, là, je suis un petit peu plus nuancé par rapport à ça. Je comprends ce qu'il veut dire. C'est tout à fait vrai que, puis tu l'as mentionné, David, en lui rappelant que dans son livre, il disait par contre, c'est bien beau d'avoir un objectif d'avoir 100 000 véhicules électriques au Québec en 2020, mais c'est des véhicules qu'on va probablement acheter à l'extérieur. Ça, là-dessus, j'avoue que j'avais été déjà, moi, très sceptique à l'époque du gouvernement de M. Marceau sous le gouvernement Marois, le budget de M. Marceau sous le gouvernement Marois en 2013. Où on annonçait cet objectif de développer un véhicule électrique au Québec. J'avoue, peut-être que c'est moi qui manque de foi, mais je suis très sceptique face à la capacité d'une petite économie comme le Québec à développer un véhicule vraiment révolutionnaire. En tout cas, il y a des mythes, il en déboulonne. Si tu me permets, je ferais peut-être juste la lecture rapide. Si tu as d'autres choses à ajouter, tu me le diras, mais juste pour que vous le sachiez, les 12 mythes, ça se lit rapidement, là. La réduction des émissions de gaz à effet de serre améliorera immanquablement notre qualité de vie. Ça, c'est le mythe 1. Mythe 2. Le Québec est un leader de l'énergie verte. Mythe 3. L'hydroélectricité est le pétrole du Québec. Mythe 4. La lutte au changement climatique passe d'abord par la voiture électrique. Mythe 5. Les Québécois utilisent trop d'électricité. Mythe 6, la cible de 37,5% de réduction des GES s'appuie sur une stratégie détaillée. Mythe 7, le pétrole est ici pour longtemps. Mythe 8, il suffit d'un prix sur le carbone. Mythe 9, le Canada, puissance énergétique. Mythe 10, les provinces ont pris le relais du fédéral. Mythe 11, le Canada est un vrai pays. Et puis, mythe 12 me fait sourire, juste à le dire, il suffit d'un selfie. Je sais pas à qui il pense. Mais il y a quand même, il fait le spectre assez largement quand même dans ce livre-là. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est très intéressant parce que même, les titres sont un peu bizarres parfois, surtout le mythe numéro 11, le Canada est un vrai pays. Donc, c'est un mythe dans son oui. esprit. Donc, il touche à des aspects politiques qui sont intéressants, peu importe qu'on soit fédéraliste ou indépendantiste. Là, je trouve qu'il met sur le doigt certains bobos intéressants. C'est un des 11 mythes, là, des 12 mythes, c'est-à-dire, mais on aura l'occasion dans quelques minutes, sans doute, d'en détailler quelques-uns. Exact. On va aller écouter tout de suite, si tu le permets, la deuxième partie de l'entrevue de M. Mousseau, qui, dans celle-là, nous dit que, dans le fond, il y avait un virage à prendre, un moment important, et le Québec a quelque chose comme raté sa chance, finalement. Quels sont ces moments que vous voyez où on aurait dû agir, qu'on ne l'a pas fait? Le grand moment, c'est en 79. Donc, ce qu'on sait peu, c'est que aujourd'hui, le gouvernement du Québec s'est donné comme objectif de réduire en 13 ans l'utilisation des produits pétroliers de 40 %. On a déjà fait une réduction de cette ampleur-là dans les années 80. Entre 79 et 87, on a réduit de 43 % notre utilisation du pétrole. Malgré une croissance économique, croissance de la population, on a réduit de 43 % alors que le restant de l'Amérique du Nord réduisait de 11 % son utilisation du pétrole. Pourquoi? Parce qu'on avait les grands barrages hydroélectriques qui rentraient en opération. Les turbines commençaient à tourner. On avait beaucoup d'électricité, pas chère, qu'on devait placer. Donc, on a électrifié le chauffage, résidentiel surtout. On a aussi électrifié des procédés industriels. Puis, on s'est mis à exporter de l'électricité vers les États-Unis, entre autres. Une fois qu'on a placé nos surplus d'électricité d'alors, une fois qu'on a trouvé preneur pour notre électricité, on a arrêté toutes nos actions. À partir de 87-88, on a arrêté, par exemple, de financer l'électrification des procédés industriels. Donc, on n'a pas développé de nouvelles technologies, on ne s'est pas positionné pour dire « voici des choses qu'on pourrait exporter, qu'on pourrait utiliser pour améliorer la valeur de notre savoir-faire au Québec ou notre capacité ». On a arrêté de faire ça. Dans le chauffage résidentiel, on s'est contenté de mettre des grille-pains le long des murs. Des calorifères électriques, c'est des grille-pains. C'est une technologie qui est vieille de plus d'une centaine d'années, donc il n'y a rien de nouveau. La même technologie, en gros, que celle qu'on utilise pour éclairer là, dans les bonnes vieilles lampes à incandescence. Donc, c'est de la vieille technologie. On n'a pas utilisé l'électrification du chauffage pour dire « développons des technologies modernes plus efficaces ». À grande échelle, parce que nous, on avait plusieurs millions de résidences à électrifier, et utilisons ça pour se positionner, encore une fois, sur le marché mondial. Et d'ailleurs, à ce propos-là de l'exportation, vous dites aussi que finalement, on n'en a pas tant que ça pour notre argent, parce que, encore une autre chose, je suis persuadé que les gens pensent qu'on fait de l'argent comme de l'eau, pour utiliser l'image appropriée avec l'hydroélectricité en exportation. Et là, évidemment, Hydro-Québec dit tout et contredit toujours ce que je dis, là, mais ça reste vrai. En gros, on exporte 30 TWh. Qu'est-ce que c'est un TWh? Au Québec, on consomme 180 TWh par année d'électricité. Donc, on exporte à peu près 15 % de notre production, ce qui est beaucoup. Oui. Et parce que les lignes électriques pour l'exportation sont saturées, on exporte le maximum qu'on peut physiquement. Là, on n'a pas plus de lignes électriques. On peut pas juste vendre notre électricité aux heures de grande demande, en après-midi ou le matin, là où l'électricité vaut beaucoup d'argent. On était obligé d'exporter beaucoup d'électricité la nuit, quand il n'y a pas de demande. Or, le marché du gros, c'est un marché où les prix varient en fonction de la demande puis de l'offre. Ce qui fait qu'on exporte beaucoup d'électricité sous le prix qu'on se l'achète nous-mêmes. Ouais, ben et ça, ça pose problème. Pour moi, quand on dit qu'un Québécois ne paye pas assez cher leur électricité, eh bien, chaque kilowatt-heure qu'on consomme pas, on l'exporte moins cher qu'on se le paierait à nous. Et la preuve, c'est que l'an dernier, pour justifier sa demande d'augmentation des tarifs, Hydro-Québec a dit « Les Québécois ont fait de l'efficacité énergétique, on a vendu moins d'électricité aux Québécois, donc on a fait moins d'argent. Si on avait pu l'exporter plus cher qu'on se l'achète à nous-mêmes, Hydro-Québec n'aurait pas pu justifier comme ça, parce qu'en fait, on aurait fait plus d'argent en l'exportant qu'en l'utilisant chez nous. Or, Hydro le reconnaît quand il fait sa demande de tarif parce qu'il dit, écoutez, les Québécois ont consommé moins d'électricité, ils ont fait de l'efficacité énergétique. Si on veut garder nos revenus, il faut qu'on augmente les tarifs. Tout le monde, toute la planète va s'électrifier au cours des prochaines décennies. Une des choses, c'est que nous, on est électrifiés avant tout le monde. Donc, on doit électrifier des procédés, des usages qui ne sont pas électrifiés ailleurs. Si on agissait de manière intelligente, on pourrait dire, comme nous, ailleurs, on est encore à fermer des centrales au charbon pour ouvrir des centrales au gaz pour faire de l'électricité. Nous, on touche plus à la production, elle est déjà à 100% renouvelable. Ce qu'il faut, c'est dans notre utilisation de l'électricité. Donc nous, c'est là qu'on devrait investir pour essayer de développer des technologies électrifiées qui peuvent être exportées. Et c'est pas facile. Hein? Si c'était facile, j'aurais dit, voici les trois domaines, c'est pas facile de trouver. De même, on dit souvent, notre électricité est pas chère, elle a une grande valeur. Et ça, c'est bidon, parce que partout dans le monde, on se retrouve avec de l'électricité pas chère. Des fois, faite avec du gaz naturel, donc faite avec différentes sources, mais elle est pas chère. Ce qui fait que on nous dit qu'on pourrait attirer de l'industrie avec nos surplus d'énergie. Il y a 2 ans, le premier ministre Couillard a signé une entente avec Alouette, donc une aluminerie sur la Côte-Nord, où, en échange d'un rabais sur 5 TWh d'électricité, Alouette s'engageait à rien. Okay? Notre électricité vaut tellement peu qu'on ne peut pas exiger des emplois, on ne peut pas exiger des investissements. Tout ce qu'on peut exiger, c'est on vous donne ça pas cher, restez s'il vous plaît. Alors, c'est pas être en position de force d'être obligé de signer des accords comme ça. Et ce qui montre, encore une fois, que notre électricité vaut pas autant qu'on pense qu'elle vaut dans le contexte actuel. En effet, Jean-Claude, il parle comme un économiste, là. Beaucoup. Il n'utilise pas tout à fait le vocabulaire, mais c'est des concepts, notamment, peut-être le dernier point, parce qu'il y a je retiens deux choses de sa dernière intervention, c'est-à-dire qu'on a manqué des virages au tournant des années 80. Oui. Puis deuxièmement, ben, l'électricité, l'hydroélectricité québécoise ne vaut pas ce qu'on pense qu'elle vaut. Il y aurait pu, en tout cas, moi, ce qui me frappe, et c'est ce qu'il y avait derrière son discours, dans le fond, c'est que c'est bien beau de vouloir exporter dans Nouvelle-Angleterre, mais on est de plus en concurrence avec d'autres sources, des sources alternatives, notamment le pétrole et les gaz de schiste qui, dans le fond, permettent de produire de l'électricité à des tarifs très compétitifs avec l'hydroélectricité. Puis en plus, nous, on sait que depuis quelques temps, il se rajoute le problème de faut quand même aller la livrer, l'électricité, donc des lignes de transmission. Puis le Vermont est pas trop sympathique à accueillir des lignes de transmission qui vont massacrer un peu son paysage. De sorte que il l'a mentionné un peu aussi indirectement, c'est que l'autre problème qu'on a, c'est que toute la nouvelle électricité qu'on voudrait produire nous coûte de plus en plus cher, puis elle coûte même maintenant plus cher que l'électricité produite justement à partir des centrales au gaz ou au charbon, je ne sais pas, là, mais en tout cas, celle au gaz, ça coûte moins cher. Donc, c'est peut-être le drame à la fois pour la planète, pour les changements climatiques et à une échelle plus modeste pour Hydro-Québec et les Québécois, c'est toute la révolution du pétrole et du gaz de schiste qui a complètement changé le marché de l'énergie, en tout cas en Amérique du Nord. C'est quand même une partie qu'on ne voit pas et à laquelle on s'intéresse peut-être pas assez, celle de, quand on parle d'exportation, moi ça m'a frappé pour l'avoir déjà lu avant, mais le réentendre encore une fois qu'on dans le fond on vend notre électricité quand elle vaut pas cher, c'est quand même, en tout cas, écoute, comme économiste, c'est une occasion en or de perdu, puis on n'y peut pas grand-chose. Là. Quand les lignes sont occupées, les lignes sont occupées. Peut-être l'erreur qui a été faite, puis ça, c'est un peu, je sais que tout le monde ne serait pas d'accord avec moi là-dessus, mais c'est pas tellement de vendre l'électricité à rabais, parce que Bernard Landry, à l'époque, j'ai travaillé un petit peu comme fonctionnaire pour Landry au début des années 80, puis lui, il disait, écoutez, quand l'eau passe par-dessus les barrages, là, on est aussi bien quasiment d'annuler d'électricité parce qu'on va la perdre de toute façon. Oui, oui. L'erreur, ça a été de construire de nouvelles centrales hydroélectriques, notamment la Romaine, qui a été annoncée et lancée par les libéraux, le nouveau gouvernement libéral en 2003 ou 2004. Ça, c'est à questionnable. D'ailleurs, il y a beaucoup de questions qui sont faites qui ont été posées sur la place publique. On savait que ça nous coûterait peut-être 9 ou 10 cents du kilowattheure à produire cette nouvelle électricité-là. Puis donc, c'est pas rentable parce que l'électricité à partir du gaz de schiste se vend à 5 cents ou 6 cents. Donc, déjà, ça nous coûte plus cher à produire que ce que le marché offre. Puis en plus, bien, c'est des surplus qui s'additionnaient à ce qu'on a produisait déjà comme hydroélectricité. Donc, moi, je serais porté à dire que c'est pas nécessairement une erreur aujourd'hui que de vendre l'électricité si l'eau passe par-dessus les barrages. Puis il va en passer de plus en plus que les pluies qu'on a eues les dernières semaines. Mais ce qui a été l'erreur, c'était de construire des nouvelles centrales au fil des années. Alors, tout ce que tu dis se résume à, c'est encore la vision d'ensemble? Parce que ça veut dire qu'on n'a pas de vision d'ensemble. Quand on fait des trucs à la pièce comme ça, on n'est pas conscient de l'impact d'un geste sur celui le précédent? Ben c'est oui, puis c'est aussi la dimension politique, la dimension oui, de long terme, c'est-à-dire qu'on raisonne en termes des prochaines échéances électorales, en termes de création d'emplois dans oui. un ou deux comtés. Tout ça, est, à la limite, encore là, je veux pas être trop sévère, parce que je sais que les politiciens, en tout cas certains d'entre eux, font ce qu'ils peuvent, puis ont beaucoup de pression, puis ont peut-être pas, malheureusement, peut-être justement cette incitation à réfléchir pour les prochaines générations. Oui, c'est l'émission Éconophile qui se poursuit au 89.1 CKRL. David Lemelin au micro, en compagnie de l'économiste Jean-Claude Cloutier. Et si vous votez pour le gala CKRL, moi, j'ai des suggestions à vous faire. Je voterai pour Éconophile, mais je dis ça de même. Il n'y a pas de pression là-dedans. On vous parle de l'excellent livre de Normand Mousseau, « Gagner la guerre du climat, 12 mythes à déboulonner », publié chez Boréal. Et à propos du mythe numéro 1 de son livre, qui est la réduction des émissions de gaz à effet de serre, que ça améliorera immanquablement notre qualité de vie, Mousseau écrit ceci. Considérons les choses froidement. Il serait possible de réduire de 80% les émissions de GES du Québec dès aujourd'hui. Il suffirait d'interdire l'usage des véhicules à moteur à combustion, de fermer les usines, de cesser de chauffer les bâtiments et d'arrêter la coupe des forêts. C'est aussi simple que ça. De telles mesures, bien sûr, mèneraient à la destruction de l'économie québécoise et canadienne, ce qui compromettrait infailliblement notre qualité de vie, donnant raison aux sceptiques. Le consensus sur la nécessité de réduire les émissions de GES rapidement afin d'éviter la catastrophe climatique est de plus en plus largement partagé. Mais le débat persiste entre les deux camps. Ce n'est pas surprenant car ce débat est insoluble. Il porte sur une question mal posée. En effet, l'amélioration générale de la qualité de vie et la réduction des émissions sont largement indépendantes l'une de l'autre et chacune peut être accomplie ou ratée sans avoir un impact sur la deuxième. La véritable question pourrait s'énoncer ainsi. Comment réussir une transformation profonde de notre société en quelques décennies sans compromettre le développement économique? La réponse est beaucoup plus ouverte qu'on ne le croit en général. Les avenues qui permettront à la fois de réduire les émissions de GES et de s'adapter à l'augmentation mondiale de la température sont multiples et correspondent au spectre complet de société qu'on peut concevoir, allant d'un monde où les écosystèmes continueraient de se dégrader et où les inégalités sociales exploseraient, à un monde riche, pacifique et en bonne santé, frisant l'utopie sociale. Le dé de la réduction des émissions de GES ne réside donc pas dans la cible elle-même, mais dans l'exigence minimale et tout à fait raisonnable, suivant laquelle ces efforts devraient contribuer au développement économique, social et même environnemental de chaque société, plutôt que de lui nuire. Oui, les mots qui tombent en milieu de page, c'est le défi qu'il fallait que je lise, pas grave. Donc, troisième et dernière partie de l'entretien avec Normand Mousseau. Vous allez voir ici, il nous parle notamment de la fameuse bourse du carbone. Hein? Il y a des bémols à mettre aussi dans tout ça. Et puis, on termine avec la question, hein? Que faire? Que faire pour la suite? Dans les autres mythes que vous abordez, c'est la bourse du carbone. Ça m'apparaît aussi assez important parce qu'encore là, il y a une aura assez spectaculairement positive. Là. Or, vous dites il y a bien des bémols à mettre à ça. Là. Oui, d'abord, moi, je suis convaincu qu'on a besoin d'un prix sur le carbone parce que ça permet d'éduquer les gens, ça permet de montrer aux gens que oui, brûler de l'essence, brûler du gaz naturel, a un impact sur l'environnement, un effet qui coûte de l'argent, et le prix du carbone, c'est, ça couvre pas l'entièreté de l'effet, mais ça montre qu'il y a un coût environnemental associé avec notre action. Donc, le marché du carbone ou un prix sur le carbone, peu importe comment on le fait, est nécessaire. Il y a un problème. Au Québec, on a tout misé sur la bourse du carbone. On a dit le prix sur le carbone est suffisant pour que les gens changent leurs habitudes. Mais comme on ne veut pas avoir l'air d'avoir mis en place une taxe, on n'en a parlé à personne. Or, un marché pour qu'il fonctionne, et votre collègue pourra le confirmer, on a besoin que les agents soient au courant. On suppose que les agents sont rationnels, ils sont au courant, ils possèdent l'information, ils peuvent agir sur cette information-là, sur les coûts, les options. Au Québec, on s'est assuré de le dire à personne. Moi, je donne des conférences ces jours-ci, 1 à 4 conférences par semaine, et dans la salle, quand il y a une personne sur 100 qui sait qu'il fait partie du marché du carbone, c'est beaucoup. La plupart des gens ne savent pas qu'on achète, tous les gens qui mettent de l'essence dans leur voiture, tous les gens qui chauffent au gaz naturel, achètent des droits d'émission de carbone. Donc, tous les gens, presque tous les Québécois, sont présents sur le marché du carbone. Et aujourd'hui, on paye 18 $ la tonne, soit environ 4 cents le litre d'essence. Okay? C'est pas beaucoup, donc c'est pas suffisant pour nous changer. Et comme on n'a pas bougé, donc le marché est vu au Québec comme la solution ultime. Nous, on est en marché avec la Californie, et la Californie a compris que le marché est bon pour faire peur aux gens, d'une certaine façon, mais qu'il faut agir en amont et soutenir la transformation de notre utilisation de l'énergie et soutenir la réduction des émissions de gaz à effet de serre avant qu'on soit frappé par le coût du carbone. Donc, si on a une industrie qui est très exposée parce qu'elle émet beaucoup de gaz à effet de serre, on ne veut pas attendre qu'elle ferme parce qu'elle ne peut pas payer ses droits d'émission de carbone. On veut l'aider à se transformer avant qu'elle souffre. Mais en lui disant, si tu ne te transformes pas maintenant, tu vas souffrir. Donc, ça permet de convaincre les gens d'agir. La Californie est très active de ce côté-là et pas le Québec. Ce qui fait que le Québec n'a pas vu ses émissions diminuer depuis 2009. Ça n'a pas bougé. Même si on s'est engagé à réduire de 20% nos émissions, d'ici 2020 par rapport à 90. Donc, qu'est-ce qu'on fait depuis qu'on est en marché du carbone avec la Californie? Mais chaque année, il y a un achat net du Québec de droits d'émission à la Californie. Donc, chaque année, on envoie de l'argent net à la Californie pour l'aider à moderniser son économie, la pauvre petite Californie. Et comme on s'en va là, en 2020, ça sera à peu près 10 millions de tonnes de CO2 qu'on devrait acheter, à peu près à 20 $ la tonne. Donc, on va avoir dépensé chaque année de plus en plus. Et en 2020, donc, on peut imaginer qu'on va sortir de notre économie environ 200 millions de dollars qui va aller à des compagnies, à des industries californiennes qui, elles, auront fait les changements, appuyées par leur gouvernement. En terminant, la question, vous faites part d'une douzaine de mythes qu'on déboulonne et on comprend que finalement, on est beaucoup plus loin de la ligne d'arrivée qu'on le croyait. Qu'est-ce qu'on devrait faire alors? On sait quoi faire. Il y a des exemples à l'étranger. Donc, tout ça, c'est pour dire qu'on sait. Il faut d'abord s'appuyer sur des données. On a besoin d'études. Qu'est-ce que c'est des données? Si vous me donniez aujourd'hui 1 million de dollars puis vous disiez, investissez pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre de manière intelligente au Québec, je pourrais pas vous dire où on doit investir ce million-là parce qu'on n'a pas fait d'études qui dit, si on réduit nos émissions dans ce domaine-là, combien ça coûte? Quelles sont les retombées économiques possibles? Quelles sont les améliorations de qualité de vie possibles? Si on le fait dans l'immobilier, dans le transport, quelle est la façon la moins chère? Quelle est la façon la plus structurellement intéressante? On ne dispose d'aucune étude. On n'étudie pas non plus l'effet des mesures qu'on a mises en place. Est-ce que l'argent qu'on a dépensé a livré la marchandise? Donc, on travaille dans le noir. On a besoin d'avoir une gouvernance, une structure de gouvernance qui fonctionne, et il y en a à l'étranger. Donc, il suffit de regarder comment on fait à l'étranger, puis à le mettre en place au Québec. Et on a, c'est ça l'essentiel. C'est pas les programmes, c'est pas les plans. Des plans, on en a beaucoup. Ben, pas des plans, mais on a des objectifs. Mais la multiplication des objectifs est pas utile. Ce qu'on a besoin, c'est d'agir, de calculer, d'évaluer, puis de se projeter en réévaluant toujours les plans. Il y a quelques années, j'étais en commission parlementaire avec M. Hortel et je proposais ce genre de structure-là. Et M. Hortel a dit, nous, on veut pas un autre comité ou une autre structure, on veut juste en savoir quoi faire. Or, c'est impossible de dire quoi faire pour les 20 prochaines années. Il y a pas, parce que le monde bouge autour de nous et ce qu'on veut faire, c'est très exigeant. Donc, on a besoin de constamment réévaluer nos positions, constamment réévaluer nos outils. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une structure, pas simplement une liste d'actions qu'on va écrire aujourd'hui et qui vont être valides pour les 15 prochaines années. Oui, un homme bien intéressant à écouter. Jean-Claude? Il y a beaucoup de choses dans ce qu'il vient de dire. Une qui me frappe depuis quelques années, il a sorti un chiffre là, qui est vraiment frappant, c'est qu'il dit qu'on pourrait devoir acheter 200 millions par année de droits d'émission, de droits de polluer de la Californie, à partir, comme si la Californie avait besoin de l'aide du Québec. C'est vraiment... Ce serait tendu à l'inverse. Hein? Il aurait pu ajouter aussi qu'on va peut-être l'acheter à nos amis de l'Ontario, parce que l'Ontario est embarqué dans le même système qu'elle va entrer en vigueur, va entrer en 2018 dans le même système de bourse du carbone que la Californie. Québec. Tout ça s'explique par une raison bien simple, c'est que l'objectif du Québec est beaucoup trop ambitieux. Pour une raison là, peut-être politique, là, d'image politique, on s'est donné un objectif extrêmement ambitieux de réduire de 20 % par rapport à 1990 et de 37,5 % en 2020 et pour 2030. En 2030, 37,5 %. C'est beaucoup trop ambitieux parce que le Québec, il l'a dit, M. Mousseau, dans sa première intervention, dès les années 80, les économies d'énergie là, immédiatement accessibles au Québec, on les a faites. En investissant davantage dans l'hydroélectricité, il aurait pu ajouter qu'on a changé les systèmes de production des pâtes et papiers des grosses industries, comme les pâtes et papiers et les alumineries, de sorte que pour nous, c'est beaucoup plus difficile maintenant de faire des réductions que celle-là en Ontario, où tout ce qu'ils ont fait, c'est fermer des centrales au charbon, puis déjà, ils atteignent relativement facilement. Max, ça coûte cher changer les centrales au charbon, mais au moins, ils atteignent les objectifs plus facilement. Et peut-être l'autre commentaire. Mais, si tu me permets là-dessus, je vais rebondir quand même parce que et ce qu'il dit aussi dans son livre et ça m'apparaissait fondamental, c'est que dans le fond, se donner des cibles, c'est pour ça que c'est pas une bonne façon de fonctionner. On est mieux d'avoir des façons de faire, une espèce de façon d'opérer au lieu de se donner un 20% ou un 30%, ce qui parce que d'atteindre le premier 20%, c'est encore pas si difficile. C'est la suite qui est compliquée. Ben c'est très difficile, mais dire le 20%, le gouvernement du Québec, moi je vous prédis tout de suite oui, qu'on va l'abandonner. On va l'abandonner, ça c'est clair. Parce que c'est absolument irréalisable. Mais moi ce que ajouterais, c'est que les gouvernements, je diffère un petit peu de M. Mousseau sur le moyen. Moi, je crois beaucoup plus une taxe sur le carbone, celle qui a coûté la carrière politique à Stéphane Dion, parce que là, ça paraît beaucoup plus qu'une bourse sur le carbone. Puis ça, on a connu ça. Tantôt, il mentionnait, M. Mousseau, qu'on a été efficace dans les années 80 au Québec. Il aurait pu ajouter, d'après moi, c'est dans les années 70, en Amérique du Nord, avec la première crise du pétrole que tu étais pas né, David, à l'époque, mais moi, je m'en souviens très bien. Mais moi, je suis né en 73, fait que ça correspond pas mal à la crise du pétrole. Il est arrivé deux cataclysmes en 73. Voilà. La crise du pétrole de 73 a tellement traumatisé tous les gouvernements qu'on s'est mis à faire des voitures beaucoup plus efficaces. C'est là que l'efficacité énergétique a vraiment commencé. Le prix à la pompe avait beaucoup augmenté. On s'est mis à mettre en place des programmes d'efficacité énergétique. On avait commencé à changer les comportements. Malheureusement, l'industrie pétrolière nous a rattrapés. Elle s'est mise à produire davantage. L'Arabie saoudite, les cartels du pétrole ont produit davantage. Les prix ont recommencé à baisser. Les prix du pétrole en termes réels, de sorte qu'on a complètement, on est quand même revenu avec des Hummers maintenant, des SUV, puis des gros, des Monster House, puis on a laissé tomber les programmes d'efficacité énergétique. Mais ce que je voulais dire, c'est que les années 70, on a montré que mettre un prix significatif sur le pétrole, un prix qui fait une différence, qui fait mal, ça introduit des changements extrêmement importants d'un comportement. C'est ça qu'il faut viser, il faut que ça paraisse. Présentement, 2-3 cents le litre, les gens s'en rendent pas compte, sur un litre d'une pièce et 10, ce qui varie en fait d'une journée à l'autre, de 1,10 à 1,20 ou à 1,6, 2-3 cents de plus ou de moins, ça paraît pas. Comme le tabac finalement. Il y en a qui ont dit là, mais on a payé moyen, fait qu'on va arrêter. Ah, c'est une bonne raison, c'est une raison comme une autre. Mais est-ce que tu as d'autres points? Parce que je sais que tu en avais noté quelques-uns. Non, ça fait pas mal le tour, présentement, des points qui m'ont plus frappé dans l'intervention de M. Mousseau. En tout cas, moi, je pourrais ajouter là-dessus que, à mon avis, Stéphane Dion, c'est plus ses commentaires et sa incroyable vidéo qui n'a pas aidé nécessairement sa carrière, parce que la taxe sur le carbone... Ben, peut-être, si j'ai encore le temps, moi, je pense à une question de marketing. Peut-être que M. Dion n'était pas très bon en vidéo ni en communication politique, non, parce que le gouvernement de la Colombie-Britannique, à peu près au même moment que M. Dion l'annonçait, le gouvernement de la Colombie-Britannique introduit une taxe sur le carbone, pas une bourse du carbone, une taxe. Puis moi, je trouvais ça génial. Je trouve encore ça génial. Et on dit, ça va nous rapporter, je n'ai pas les chiffres exacts, mais disons, ça rapporte 3 ou 4 milliards par année au Trésor de la Colombie-Britannique. Bien, ils disent, on va vous réduire l'impôt sur le revenu de 3 ou 4 milliards. Donc, c'est neutre. Ça ajoute pas au fardeau des contribuables de la Colombie-Britannique, mais ça les incite drôlement, par contre, à économiser la consommation de pétrole, que ce soit dans l'automobile ou que ce soit dans le chauffage ou peu importe. En conclusion de tout ça, on se le disait avant d'entrer en onde, on a l'impression que c'est effectivement un livre où il dit des choses, il dénonce des trucs, mais en même temps, on règle plus ou moins les choses parce que c'est aussi le constat. On voudrait bien faire ben des mesures et penser à ben des idées, mais dans le fond, est-ce qu'on vraiment, que véritablement on le fera? Ça, c'est pas clair, c'est pas évident. Moi, ce que ça m'a beaucoup frappé d'un chapitre à l'autre, il passe de l'optimisme au pessimisme, à l'amertume. Moi, ça me rappelle beaucoup le grand succès de Petula Clark. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Oui, c'est ça le problème de base. Oui. On voudrait bien sauver la planète, mais à condition que notre mode de vie ne change aucunement. Ben, c'est la même chose pour les routes dont je parlais en ouverture d'émission, c'est-à-dire qu'on veut bien que ce soit plus vert, mais on voudrait bien régler le problème de circulation, mais touche pas à mon char, touche pas à mes habitudes de vie. Puis il en parle d'ailleurs dans son livre à cet égard-là en disant, ben il y a aussi une façon que les sociétés se sont constituées. On a créé des banlieues, on a posé des gestes concrets qui ont, dans le fond, créé le problème aussi dans lequel on se retrouve. On fait quoi? On ferme les banlieues? Il est trop tard maintenant, c'est ça. On est victime des gestes qui ont été posés il y a 30 ou 35 ans, puis là, il faut vivre avec maintenant de tant bien que mal. Merci. Worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Je pouvais difficilement envoyer une chanson plus appropriée, Mad World. Ouais, c'est ça. C'est un... ça fit avec ce qu'on disait. Vers la conclusion du livre, je voulais vous lire ce simple passage qui donne aussi encore là une idée de ce que pense cet auteur-là, Normand Mousseau, très intéressant dans un livre qui vaut la peine d'être lu, qui est facile à lire d'ailleurs. Les prochaines années devront apporter des changements aussi profonds que les 30 glorieuses. Cette transformation qui ne pourra se faire sans une modification des attitudes et des aspirations des citoyens passe par la communication, l'éducation et l'exemple. L'importance de la transformation est telle que celle-ci ne peut pas être menée simplement par les gouvernements. La responsabilité du changement revient à l'ensemble de la population. Il faudra toutefois, pour qu'elle en prenne conscience, qu'elle en soit avertie, qu'elle soit éduquée, formée pour intégrer de nouvelles valeurs de consommation, d'action et de succès. La société actuelle résulte d'un savant mélange de nature humaine, d'éducation et de consommation. Celle de demain ne surviendra pas différemment. Non, Jean-Claude, chiffre de la semaine, on est tout à fait dans le même ordre d'idée, hein. C'est 720 millions de gaspillage dans les fonds verts. Le fonds vert finance à coût de centaines de millions de dollars des programmes de lutte contre les changements climatiques qui n'ont jusqu'ici entraîné à peu près aucune baisse des émissions de gaz à effet de serre. On a vu ça passer. n'est-ce pas? Oui, c'est un article de Martin Comeau dans la presse du 8 mai dernier, donc au début de la semaine. Il faisait référence à un document qui vient d'être rendu public par le ministère de l'Environnement. Exact. Et à l'effet, donc, oui, comme tu... Ce qu'il mentionnait dans l'article, c'est, ben, en citant le rapport du ministère, c'est que les 720 millions dépensés par le Fonds vert dans différents projets, dont celui de la grue du port de Montréal, dont parlait M. Mousseau tantôt, oui, ont généré une baisse de 0,2% des gaz à effet de serre au Québec, alors que, rappelons-nous, l'objectif, c'est de baisser de 37,5%. On a réussi à baisser avec le fonds vert 0,2%. Donc, c'est des peanuts, là. On n'avance pas pour la toute fin pratique. Et dans l'article de M. de la presse cette semaine, on citait un autre universitaire de Montréal, en fait, des HEC, Pierre-Olivier Pinault, qui disait, dans le fond, on lui demandait de commenter pour moi, ils se sont parlé. Pour moi, Mousseau et Pinault se sont parlé parce qu'ils disent la même chose. Ben, en tout cas, ils se sont parlé. Même s'ils se sont parlé, c'est pas grave parce qu'au moins, ils disent la même chose, oui, comme tu dis. Mais M. Pinault lui racontait, il dit justement, le problème, c'est que le ministère n'a pas de plan directeur. Il ne sait pas ce qui s'en va. Il n'y a pas d'analyse. Il n'y a pas de priorisation des programmes. Puis les programmes qu'on met en place sont inefficaces. Puis, en relisant dans mes notes, dans ma documentation, je voyais un autre article de la presse de l'été dernier qui, on avait interrogé des fonctionnaires responsables du Fonds vert. Puis, dans le fond, il se dégageait qu'il n'y avait aucune idée de l'efficacité dans quel côté qu'il fallait faire les efforts, finalement, si on voulait vraiment avoir des résultats là, qui permettent de progresser vers l'objectif de réduction des gaz à effet de serre au Québec. Il dit tellement la même chose. Il dit, on vise à mettre des autos électriques sur les routes, aider le transport en commun, sensibiliser aux enjeux des changements climatiques, mais rien de tout cela ne vient modifier les causes profondes des sources d'émissions. Ouais. Et voilà, hein, il doit passer. C'est pas fou, tout cela. Maintenant, pour sujet d'actualité intéressant, puis je suis content de pouvoir t'en parler parce que ça va pouvoir dire aux gens c'est quoi cette affaire-là. La Banque de l'infrastructure du Canada qui sera à Toronto. On a pensé et espéré que ça irait à Montréal, mais non. Oui, ben c'était des petits, j'allais dire scandales, le mot peut-être trop fort, mais en tout cas, une des polémiques politiques de la semaine. En tout cas, ça a dérangé, vraiment. Ça a dérangé. Puis moi, comme économiste, qui me suis toujours intéressé au développement économique du Québec, ça me fait mal au cœur un peu que le gouvernement fédéral décide d'attribuer ça à Toronto. C'est quand même plusieurs dizaines d'emplois spécialisés en haute finance. Mais là, moi, encore une fois, je trouve qu'on pose peut-être pas la bonne question. C'est sûr, du fait que ça va aller à Toronto, mais il faudrait se poser la question, c'est quoi la Banque de l'infrastructure du Canada. Moi, oui, c'est quoi la Banque de l'infrastructure du Canada? La Banque de l'infrastructure du Canada, ce que j'en ai compris, c'est une création qui était mise en place à la demande des fonds institutionnels. Les fonds institutionnels, c'est ceux qui gèrent les assurances, les fonds de pension, qui gèrent de la grosse argent, comme la Caisse de dépôt et de placement du Québec, mais ça peut être le Fonds de solidarité des travailleurs, ça peut être, en Ontario, c'est Teachers, ceux qui gèrent les fonds de pension des enseignants. Et eux, ils ont un problème présentement à l'échelle mondiale, c'est qu'ils réussissent pas à placer de l'argent à un niveau qui soit rentable. Il y a même des fonds dans le monde présentement qui prêtent à perte, c'est-à-dire que ça leur rapporte moins 1% ou moins 2% de rendement sur leur épargne. Alors que eux autres, leur objectif, c'est de rapporter au moins 8%, 9%, 10%, 12%, si c'est possible. Et la Banque des infrastructures, de la manière qu'elle fonctionnerait, c'est que ces fonds institutionnels-là, comme la Caisse de dépôt, encore une fois, on leur garantirait un certain rendement de l'ordre de 8% et plus pour investir dans des routes, dans des ponts, dans des aéroports, dans toutes sortes de grosses infrastructures de transport, finalement. Moi, la grande question que je me pose, pourquoi faudrait donner 8% de rendement à des fonds institutionnels? La Caisse de dépôt, on l'aime bien, c'est le bas de laine des Québécois, mais pourquoi devoir payer 8% pour financer des infrastructures alors que le gouvernement du Québec, dans le budget, on apprenait que dans le dernier budget, qui s'est financé en 2016 au taux de 2,2%. Si le gouvernement du Québec continuait de payer pour les infrastructures qu'il veut mettre en place, il peut se financer au taux de 2,2%. Pourquoi faudrait-il payer à la Caisse de dépôt, à Teachers ou à n'importe quel autre fonds privé, n'importe quelle compagnie d'assurance, des taux de 8%, de 10%? C'est un transfert de fonds, finalement, des contribuables puis des usagers. Parce que ce que ça veut dire, c'est que c'est un PPP qu'on a en tête. Ces gens-là vont se garantir 8% en chargeant des tarifs aux usagers, ceux qui vont utiliser les aéroports ou les autoroutes qui vont être construites ou les ponts. Donc, on fait un transfert de fonds des contribuables, des usagers de ces infrastructures-là en faveur de ceux qui sont les propriétaires, les gestionnaires et aussi, évidemment, les bénéficiaires des fonds de pension ou des assurances en question. Effectivement. Et il y avait la question fondamentale qui est posée avec ça, c'est la capacité d'influence du gouvernement, finalement, à amener des trucs à Montréal. On dit, ben, qui sont les représentants québécois qui tirent vers Montréal? Parce qu'il y a ça aussi qui est soulevé, bien entendu, là-dedans. Tu reviens sur la question politique, une question très passionnante, mais moi, j'oserais pas aller dans cette voie-là. En tout cas, je peux vous le dire que ça a fait réagir, puis qu'on s'est posé des questions sérieuses sur la capacité du Québec à attirer des choses comme ça. Mais en même temps, il y avait un argument qui était sorti, puis juste quelques secondes là-dessus, on dit, qu'il soit Toronto à Montréal, qu'est-ce que ça change? Parce que les échanges se font pas, c'est-à-dire on ne va pas que notre carnet au comptoir retiré. Non, ça fait une très grosse différence, parce que c'est tout, c'est le concept des grappes industrielles, finalement. Oui. C'est qu'on dit souvent qu'à Montréal, il y a une grappe de l'aérospatiale, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, il n'y a pas juste Bombardier. Dans le finance, c'est la même affaire, c'est-à-dire vous avez déjà la caisse de dépôt, vous avez des banques à Montréal, vous avez des institutions, vous avez, la Société des infrastructures du gouvernement du Québec qui est là également. Oui. Donc, ça permettrait de consolider, c'est quand même plusieurs dizaines d'emplois hautement spécialisés, très bien rémunérés. C'est une perte majeure pour Montréal, à mon avis. Alors, gagner la guerre du climat, 12 mythes à déboulonner de Normand Mousseau, un livre qui déboulonne, mais qui permet de regarder la réalité en face et de penser les solutions peut-être différemment et correctement. Merci beaucoup, Jean-Claude, encore pour cette semaine. Ça m'a fait plaisir. Et puis, c'est déjà tout pour nous. L'émission Le Grain de Sable suit à l'instant. Bonne semaine, merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et à écouter en balado. Visitez econophile.net. Vous pouvez voter pour nous aussi, le gala CKRL. On est vraiment sympathiques. Merci et à samedi prochain.